Bon dame, maman, voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de chance, les coups sont partis en vacances. C'est pour ça que ta vie est en transe. Contre le fiscal, ça vient la pluie. Avec un état délinquant, moi ça c'est ma de nouveau fut. Depuis, aïe, j'appuie sur ce patron. Même malgré tout, j'encaisse les combats. Charbonné trop souvent, te rends coupable. Je me casse d'ici à la coupable. Dis que bien pour moi, j'en dirai tout bas. Allongé sur une bâche d'Aruba. Femme et enfant à l'abri des loupas. Joignable sur un PGP de Cuba. Dans la fête au milieu de nulle part. Je finirai ma vie comme je le veux. Et pour mes enfants, je me coupe la calanda. J'ai tellement d'amour pour un qu'il en pleut. Je brûlerai pour qu'il puisse finir heureux. Bon dame, maman, voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de chance. Tes goûts sont partis en vacances. C'est pour ça que ta vie est en transe. Contrôle fiscal, ça met à la pluie. Envers un état délinquant. Ma ça c'est ma de nouveau fut. Depuis, s'il savait à quel point ma sécu les protégeait de moi. Après tout ce que j'ai déjà vécu, j'ai 60 ans au moins. Ma belle-mère c'était une vraie putelle, vous n'êtes me suicide. Sous prétexte que ma daronne est très football, très toute sa vie. Elle m'a fait tous les coups possibles jusqu'au tribunal. Ce qu'elle a fait pour garder la vie à mon daron, c'est mal. J'ai fantasmé dans l'illicite, la drogue je la vendais en sac. J'ai consommé toutes les weed sous poudre et au crack. Et malgré ça je m'en sors, certains m'ont jeté des. Je les mets jusqu'à la mort. Je suis béni, je suis l'élu, Dieu m'a créé à son image. N'attends pas qu'on me tue pour me rendre hommage. Voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de chance. Tes goûts sont partis en vacances. C'est pour ça que ta vie est en transe. Contrôle fiscal, ça met à la pluie. Envers un état délinquant. Moi ça c'est ma de nouveau fut. Depuis bon d'amour, bon, voilà ce que je pense. Tes couilles sont parties en vacances. Contre le fiscal, ça meurt la pluie. Ma tasse est ma de nouveau.